Votre sélection débutera après cette publicité. Ce contenu est présenté par IKEA. Pour créer la chambre de vos rêves, profitez en ce moment d'une réduction de 15 % sur les lits, matelas et armoires penderies lors de la promo chambre à coucher de IKEA. Détails à fr.ikea.ca. Bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui d'Histoire, Alain Gravel nous raconte la petite histoire du journalisme d'enquête au Québec. Quelle victoire, quelle belle journée pour la liberté de la presse au pays. L'assignation à témoigner a été cassée pour le moment, Christian. Oui. Donc ça, c'est vraiment, c'est majeur. Soulagement pour vous, mais j'imagine que vous avez dû avoir une pensée pour vos sources également. Bien, j'ai pensé évidemment aux sources, aux miennes et à toutes celles de mes collègues. J'arrive de nos bureaux enquête avec tous mes collègues. On a pris connaissance de la décision ensemble ce matin. Je sens qu'on avance dans la bonne direction pour la conscience de l'importance de la liberté de presse, de la protection des sources. Et à tous ceux qui risquent de devenir une source dans le futur, j'espère qu'ils vont continuer à ne pas avoir peur de le faire. Oui, tout à fait. Et avoir confiance que les journalistes vont pouvoir les protéger. L'animatrice de l'émission Enquête, Marie-Maude Denis, en entrevue au Réseau de l'information le 27 septembre 2019, le jour où la Cour suprême du Canada rejette la demande des avocats de l'ex-ministre Marc-Yvan Côté d'obliger la journaliste à révéler le nom de ses sources pour la préparation de certains de ses reportages. Ce jour-là, c'est évidemment tout le milieu journalistique qui lâche un soupir de soulagement, particulièrement les journalistes qui pratiquent ce qu'on appelle le journalisme d'enquête et pour qui, bien sûr, la protection des sources est essentielle à l'exercice de leur profession. Alain Gravel a été animateur de l'émission Enquête de 2007 à 2015. Son nom est probablement l'un des premiers qui nous vient en tête quand on parle de journalisme d'enquête au Québec. Et dans le cadre de notre série d'émissions spéciales, où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, qui les passionnent, Alain Gravel nous a proposé de faire une espèce de petite histoire du journalisme d'enquête au Québec. Alain Gravel, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas un historien, mais on peut dire tout de suite que le journalisme d'enquête, c'est pas mal votre tasse de thé, vous connaissez ça. Puis c'est une belle idée que nous avez proposé. De fait, ça vient d'où cet intérêt et ça commence quand dans votre vie cet intérêt que vous avez pour le journalisme d'enquête? Bien, assez jeune. Moi, j'ai commencé à la fin des années 70. C'était l'époque du Watergate, en fait, la suite du Watergate. Watergate, c'est 72, 73, 74. Évidemment, comme jeune journaliste, ça m'avait marqué. Puis, c'est une forme très noble de l'exercice du journalisme, mais aussi très exigeante, où il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup d'impartialité aussi. Donc, jeune journaliste, je me souviens, il y avait des congrès, entre autres, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, où on rêvait de pouvoir faire du journalisme d'enquête. Puis à l'époque, on nous disait, vous savez, c'est pas rentable, ça coûte cher, c'est risqué. Les entreprises, il y a des poursuites aussi, on n'est jamais sûr du résultat. Donc, les entreprises de presse n'étaient pas très... au Québec, en tout cas, pas très ouverte. Il y avait pas vraiment cette pratique systématique du journalisme d'enquête à cette époque-là. Donc, ça m'a toujours un peu titillé et intéressé. Et le jour où on me l'a proposé, d'animer une émission consacrée exclusivement à l'enquête journalistique, vous n'avez pas réfléchi très longtemps. J'ai plongé en ne sachant pas s'il y avait de l'eau. Puis on reviendra, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire de l'enquête. C'est très noble, mais c'est vraiment compliqué. Tous les journalistes, d'ailleurs, n'ont pas l'ADN ou le goût, en fait, de faire ce type de journalisme-là. Est-ce qu'on peut... Vous disiez à Alain Gravel, il n'y avait pas une grosse tradition de journalisme d'enquête au Québec. Est-ce qu'on peut situer dans le temps... à peu près, quand est-ce que ça commence, le journalisme d'enquête? Il y a de grandes histoires. Par exemple, l'histoire de Pacifique Plante. Mon patron, Jean Pelletier, quand j'étais en quête, son père, c'est l'ancien ministre Gérard Pelletier, mais qui était aussi journaliste dans les années 40-50 pour Le Devoir. Ouais. Et mon patron me racontait toujours, à l'époque de Pacifique Plante, qui était le chef de l'escouade de la moralité de la police à Montréal, assez zélé à Montréal, à l'époque de Montréal Ville Ouverte, où il y avait beaucoup de corruption à la police, à la municipalité aussi. Et Pacifique Plante s'était fait congédier en 1948 et avait décidé de publier des articles dans Le Devoir, une série d'articles, une soixantaine d'articles, à partir de ces documents, à partir de ses expériences. Ouais. Mais c'est Gérard Pelletier. Jean me racontait toujours que son père lui racontait, quand il était jeune, allait tous les jours dans un appartement secret dans Notre-Dame-de-Grâce, rencontrer Pacifique Plante pour recueillir Et ça a été une série d'articles qui a marqué l'histoire, signé Pax Plante, mais au fond, Jean Pelletier, c'est l'écrivain fantôme là, de ces articles. Oui, ce qui est intéressant aussi, le superviseur juridique de cette série d'articles-là, c'était Jean Drapeau. Ouais. Ça a ouvert la porte à Jean Drapeau pour qu'il puisse devenir maire de Montréal. Il y a aussi une autre grande histoire au Québec, c'est le scandale du gaz naturel. Pierre Laporte, ancien ministre, qui est décédé dans la foulée des événements d'octobre 70. Pierre Laporte avait déterré ce scandale où des ministres, des fonctionnaires, des députés avaient ramassé pas mal d'argent à partir d'informations privilégiées sur la vente des activités de distribution et de production du gaz naturel de la Commission électrique du Québec, qui était l'Hydro-Québec à ce moment-là, et c'est ce qui est devenu le gaz métropolitain. Puis ça aussi, ça avait ouvert la voie à un changement politique majeur à l'arrivée de Jean Lesage à la tête du gouvernement du Québec. Mais de façon plus... il y a eu des épisodes comme ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, et encore là, je reviens à Watergate. Watergate, il y avait une équipe dédiée au journalisme d'enquête, Bernstein, Woodward, qui ont travaillé tous les deux ensemble, Washington Post. Avant, il y avait eu les Pentagon Papers aussi. Et cette tradition d'équipe dédiée dans un grand média pour déterrer des histoires, ça vient un peu de là. Et au Québec, c'est arrivé par De Gazette dans les années 80, début des années 90. Il y avait trois journalistes. Il y avait donc une équipe dédiée au journalisme d'enquête, McIntosh, McDonald et Marsden. Et moi, je me souviens, il y avait une histoire. Puis quand on les regardait, on les admirait. On se disait, c'était quand même extraordinaire qu'un journal puisse consacrer du temps au journalisme d'enquête. Puis il y avait une histoire, moi, qui m'avait frappé. Les juges, à l'époque, un peu comme aujourd'hui, il y avait toujours des retards, puis c'était toujours compliqué, puis les causes étaient reportées, bon, blablabla. Et à un moment donné, ces journalistes ont décidé de suivre, après leur travail, les juges. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Puis ils se rendaient compte que, enfin, ils ont suivi un juge. Lui, tous les jours, à 11h, il partait. Il siégeait de 9h à 11h, il partait. Il disait qu'il allait prendre en libéré. Il le retrouvait au club de golf. Alors, il suivait pendant des jours et des jours. Ça avait fait scandale à l'époque. Donc, il y a cette équipe-là. Au Canada anglais aussi, Globe and Mail, CBC localement aussi en faisait. Mais dans la presse francophone, il y avait... Moi, j'ai un ami qui est un journaliste pour qui j'ai énormément d'admiration, André Noël, qui travaillait pas mal tout seul de son côté. Pierre Tourangeau, ici à Radio-Canada, en a fait aussi le scandale Cynard avec Sophie Langlois. Donc, il y avait ces équipes où il y avait ces journalistes. Et moi aussi, comme journaliste, entre guillemets, ordinaire, je tombais parfois sur des histoires d'enquête. Mais le moment où vraiment le journalisme d'enquête s'est institué avec des équipes dédiées, consacrées, je pense vraiment, c'est lorsque la direction ici de Radio-Canada a décidé d'ouvrir cette nouvelle émission qui s'appelait Enquête. Ben parlons-en de ça. Puis c'est fondamental, le travail d'équipe, quand on fait du journalisme d'enquête. Et le fait qu'il y ait une unité dédiée, ça fait toute la différence. Mais parlons-en justement des débuts de l'émission Enquête. Vous êtes animateur d'Enquête de 2007 à 2015. Comment ça se monte, cette émission-là? Ben, c'est une décision de la direction. Puis moi, on m'a approché, on m'a demandé, parce qu'ils savaient que j'en avais déjà fait. J'animais En jeu à l'époque, Zone libre, qui était une émission qui avait quand même fait un peu, une fois par mois, ça s'appelait Zone libre enquête. Donc, on m'a demandé d'animer cette émission. Enfin, j'étais flatté, mais en même temps, j'avais une peur bleue. Ouais. Je croyais pas vraiment. Je me disais, bon, on va faire du journalisme d'enquête, mais... toutes les semaines comme ça. Non, puis là, on va faire un peu comme 60 Minutes. Il va y avoir un dossier d'enquête, mais il va y avoir aussi des entrevues, des trucs, des dossiers ou des ce qu'on appelle des features ou du human interest, donc des émissions à caractère davantage humain. Non, et mon patron, non. Toutes les semaines, chaque semaine, chacun des reportages. Ça s'appelle Enquête. Et ça s'appelle Enquête. Mais c'est vrai que c'est pas évident et que ça doit être terrorisant parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Une vraie enquête journalistique qui se distingue d'un reportage, vous parliez des émissions qui existaient à l'époque, là, qui se distingue de ce que d'autres émissions d'affaires publiques faisaient déjà. C'était ça le défi. Là. C'était ça le défi, puis c'était de réussir. Chaque semaine. Chaque semaine. Et que ça soit donc d'intérêt public. Et je me souviens au début, parce que lorsqu'on m'a annoncé ça, j'étais en jeu, puis on travaille toujours plusieurs mois à l'avance ou deux ou trois mois à l'avance lorsqu'on fait de grands dossiers. Et en jeu, on avait déjà des dossiers de près. Mais là, je dis, on ne pourra pas quand même mettre ça à la poubelle. Non, non, mais vous allez, tu vois, on va les recycler. Je dis, voyons, on ne peut pas recycler un dossier. Et heureusement, j'avais commencé une enquête et qui devait pas aller en jeu, mais qui devait aller à zone libre enquête sur Janson. Oui, et ça a été la deuxième semaine. Et ça, ça a vraiment marqué l'émission. Et c'est de là qu'on a pris l'élan jusqu'au scandale de construction. Je reviens sur cette idée d'unité d'enquête, de travail. Vous en parliez pour ce qui est de la Gazette, de travail d'équipe aussi. C'est vraiment important en matière de journaliste d'enquête. Et ça nous amène à parler de comment ça se fait du journalisme d'enquête par rapport à du journalisme plus standard? Comment on pratique ce métier-là de journaliste d'enquête? Quelles sont les qualités d'un bon journaliste d'enquête, Alain Gravel? En fait, ça se fait en équipe parce que c'est rare qu'une personne puisse avoir toutes les qualités d'un bon journaliste d'enquête. Ouais. Ça prend quelqu'un qui se consacre à la recherche, qui aime le menu détail. Je travaillais avec Daniel Tremblay, qui est encore en enquête, qui, lui, pouvait passer des nuits à constituer une toile. Un chien renifleur. Un organigramme. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Lui, il aime ça. Moi, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai la qualité, entre guillemets, je me qualifie un peu du chasseur de l'équipe. J'aime ça. Quand on me donne la toile, donc développer des sources, aller sur le terrain, rencontrer des personnes, faire débloquer l'histoire et de mettre en forme aussi les reportages, c'est pas évident parce que c'est souvent austère, c'est pas toujours simple. Donc, ça prend des équipes. C'est pour ça qu'on travaille en équipe, parce que chacune des personnes a des qualités complémentaires. Ouais. Puis ça nous permet aussi... Le danger dans le journalisme d'enquête, c'est d'avoir une vision de tunnel. Lorsqu'on part sur une hypothèse, de ne pas vouloir reculer et dire que finalement, il n'y a pas d'histoire. Quand on est à 2-3, ça nous permet de garder ce recul si essentiel lorsqu'on fait de l'enquête journalistique. Puis de partager aussi les réseaux de chacun. Chacun a ses réseaux de contact et ça peut être très porteur aussi. 2009, cette année-là, vraiment, l'équipe de l'émission Enquête frappe un coup de circuit avec ce reportage qui permet vraiment de lever une série de scandales dans le monde de la construction au Québec. On peut probablement dire, d'ailleurs, Alain Gravel, que c'est le témoignage de Ken Pereira que vous allez présenter le 5 mars 2009 qui va, à terme, conduire à la création de la Commission Charbonneau. Cette semaine, Enquête lève le voile sur un scandale à la FTQ Construction avec des comptes de dépenses abusifs. Jocelyn Dupuis, il avait une vie de superstar, puis tout le monde le savait dans l'industrie de la construction. À la FTQ, on a un service de communication pour communiquer avec eux. Bienvenue à Enquête. Comment un dirigeant syndical peut avoir un train de vie princier payé à même les cotisations de ses membres? La plus grosse centrale du Québec, la FTQ, est sur la sellette pour des comptes de dépenses difficiles à justifier d'un dirigeant d'un de ses syndicats. Un millionnaire, je pense, il gaspille pas comme M. Dupuis gaspillait. Notre enquête de cette semaine, que j'ai réalisée en collaboration avec ma collègue Marie-Maude Denis du Téléjournal, vise celui qui a longtemps été le numéro 2 de la FTQ Construction. Enquête sur le côté moins glorieux du syndicalisme au Québec. Selon ce que nous avons appris, M. Arsenault a passé en compagnie de son épouse une semaine fin novembre, début décembre, sur le luxueux yacht de M. Accurso. M. Arsenault a admis avoir déjà été sur le bateau de M. Accurso. Le président de la FTQ ne peut pas diriger la FTQ de son sous-sol. Moi, quand vous... dans un yacht de Tony Accurso? Moi, je vais vous dire de quoi j'ai. Mais certainement, c'est un de mes amis. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème pour Michel Arsenault, c'est qu'il n'est pas que président du Fonds de solidarité, mais aussi de la centrale qui a le plus gros syndicat de l'industrie de la construction. Il déclare que sa relation d'amitié avec Tony Accurso n'a aucune influence sur son travail ni sur l'aide du Fonds de solidarité. Tony Accurso n'a pas de fast track au Fonds de solidarité. Ses dossiers sont traités pareil comme tous les autres dossiers. Extrait d'un de vos reportages, Alain Gravel, celui du 12 mars 2009. Et juste avant, on entendait l'ouverture de l'émission Enquête du 5 mars 2009. Votre reportage avec Ken Pereira, c'est un des reportages d'enquête dont l'impact va être le plus fort. Parlez-nous de ça, de l'impact que va avoir ce reportage-là pour le Québec, pour le milieu politique, pour le milieu de la construction, pour le journalisme québécois aussi. En fait, c'est que ça ouvre la voie à ce qu'on a appelé le scandale de la construction. C'était un aspect, mais déjà, on travaillait sur bien d'autres aspects, sur la proximité, entre autres, de dirigeants syndicaux avec Tony Accurso. Le nom de Tony Accurso On avait déjà entendu dans les médias des histoires autour d'Accurso, mais pas de façon aussi pointue comme celle-là. Et par la suite, son nom est revenu constamment. Et ça a vraiment ouvert le scandale d'industrie de la construction qu'a mené à la commission Charbonneau. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Pereira, entre autres, c'est que la façon dont ça s'est fait, on disait, donc le travail d'enquête, c'est pas toujours facile. Puis on est toujours bloqué dans la mesure où ça nous prend toujours d'autres sources. Ouais. Et d'où l'importance de la collaboration, pas seulement dans notre équipe, mais avec des gens de l'extérieur. Et Pierre Tourangeau, qui était notre patron, qui a fait du journalisme d'enquête, nous a mis en contact avec une source qui nous a mis en contact avec... Et là, pendant, ça a duré 3 mois. On se promenait de source en source, sans caméra, Marie-Maude et moi. Donc, il nous a mis en contact avec des gens qui, éventuellement, vont nous guider vers Pereira. Et je me souviens très bien, il y avait la personne qui m'avait conseillé d'aller voir Pereira. On avait été prendre un café avec lui. Il n'y avait pas de caméra. C'était une discussion confidentielle. Puis je lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui peut justement nous raconter l'histoire? Et la personne qui était à l'intérieur de la FTQ me dit, ouais, il y a un gars qui s'appelle Ken Pereira, mais allez pas le voir parce que c'est un loose cannon. Il dit n'importe quoi. Il affiche sur le babillard toutes sortes de choses pour critiquer, mais il connaît des gens. Alors, mais appelez-le pas. Alors, c'est inutile de vous dire que dans l'heure suivante, on était au téléphone avec Pereira, et l'après-midi même, il est arrivé. Il est arrivé avec les factures. Les comptes de dépenses. Les comptes de dépenses, ouais. Alors, c'est ça. Donc, ça a été le début d'une grande aventure qui a duré... moi, j'étais là 8 ans. J'ai travaillé pendant 8 ans sur ce filon de la construction, mais on est encore là-dedans aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis la beauté du journalisme d'enquête, c'est qu'effectivement, c'est long. Il n'y a pas de garantie de résultat. Mais à partir du moment où on a un bon filon, à partir du moment où une enquête a de l'impact, tout à coup, le téléphone peut sonner ou l'enveloppe, la fameuse enveloppe brune peut rentrer. Ben, parlez-nous de ça un petit peu. L'importance que ça a vraiment, ce phénomène-là, puis cette fameuse enveloppe brune. Ouais. Mais quand on parle d'enveloppe brune, c'est une façon de parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup par l'Internet. Ouais. J'ai reçu des enveloppes brunes dans mes courriels, où on avait aussi des façons assez sécuritaires de communiquer, ou encore par téléphone. Moi, quand même, Marie-Maude, Isabelle Richer et moi, on a été espionnés pendant 5 ans par la Sûreté du Québec sur nos entrants et les entrées et les sorties sur nos téléphones cellulaires. Donc, ils savaient qui nous téléphonait. Mais on avait quand même développé en parallèle des moyens plus sécuritaires. Et c'est le début de quelque chose. Quand on parle des fameuses enveloppes brunes, on a l'impression que ça tombe du ciel puis qu'on a toute l'histoire. En général, l'enveloppe brune, ce n'est que le début et souvent, on ne réussit pas à corroborer, à vérifier tout. C'est une piste, en fait. C'est une piste. Il faut monter un dossier, tout est à faire. L'enveloppe brune, c'est le début d'une enquête. Oui, puis il faut aussi se méfier parce que moi, j'ai toujours dit que les journalistes d'enquête et autres, on est au centre de toutes les manipulations du monde. Donc, avant d'accepter une enveloppe brune, il faut savoir de qui elle vient et on fait aussi une mini-enquête sur la personne pour pouvoir jauger son intérêt. En général, on sait très bien que les gens qui nous parlent ont des intérêts, mais la multiplication, et c'est là aussi que la rigueur dans le métier ou l'exigence du métier, c'est par exemple de multiplier des sources. Ouais. Cultiver une source, c'est pas simple. Les multiplier, c'est encore plus difficile. Et c'est par la multiplication des sources qu'on s'approche le plus de ce qui semble être la vérité. C'est à partir du Panama, un des paradis fiscaux les plus notoires de la planète, que nous provient une fuite gigantesque de documents secrets. 11,5 millions de fichiers du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés écrans pour de riches clients étrangers. Des journalistes du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung ont obtenu cette fuite d'une source confidentielle et l'ont partagée avec le Consortium international des journalistes d'enquête. Plus de 370 journalistes provenant de 76 pays ont passé des mois à sonder l'énorme masse de données. It's not only people trying to evade taxes. On y trouve non seulement des gens qui font de l'évasion fiscale, dit un des journalistes allemands, mais aussi des criminels et des autocrates qui transfèrent des fonds publics à l'étranger. Les noms de personnalités sportives célèbres, comme Lionel Messi et Michel Platini, apparaissent reliés à des sociétés offshore. La fuite contient plusieurs centaines de passeports canadiens, mais pas de personnalités de premier plan. On y trouve cependant la Banque royale du Canada. L'institution financière a fait régulièrement appel aux services du cabinet panaméen, créant plus de 370 sociétés écrans pour certains de ses clients, principalement au Panama, aux îles Vierges britanniques et aux Bahamas. À l'étranger, les données révèlent que le premier ministre Gunnlaugsson de l'Islande et son épouse contrôlaient en secret une société enregistrée aux îles Vierges britanniques. Vladimir Vladimirovich Poutine. On y découvre aussi un réseau de gens proches du président russe Vladimir Poutine qui ont déplacé en secret plus de 2 milliards de dollars entre des sociétés écrans et des banques russes. Extrait d'un reportage de Frédéric Zalac présenté le 3 avril 2016. Ça, c'est une date importante, Alain Gravel. 2016, c'est la publication de ce qu'on a appelé les Panama Papers par le Consortium international des journalistes d'enquête. Ça nous dit quoi? Ça représente quoi, cet épisode-là, des Panama Papers, dans l'histoire du journaliste d'enquête? Avant, il y a eu les Paradise Papers. Et avant, il y a eu WikiLeaks aussi. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la formation de ce consortium de journalisme d'enquête. Donc, c'est un groupe. En fait, ils ont un bureau. C'est une organisation sans but lucratif à Washington. Ils reçoivent des tonnes de données informatiques, par exemple sur les Panama Papers, donc avec des données qui peuvent intéresser plusieurs pays dans le monde. Et ils distribuent ces données à des journalistes qui sont membres, par exemple Frédéric Zalac pour Radio-Canada est membre. Qui permet de répercuter une fuite, parce que c'était ça, les Panama Papers. C'est une fuite qui a une répercussion internationale. Et le ICIG, le Consortium international de journalisme d'enquête, est un peu le porte-voix. Et donc, il y a eu cette collaboration qui est, à mon avis, historique. Et c'est une façon aussi de faire du journalisme d'enquête qui est nouvelle par la collaboration. C'est arrivé... Autrefois, il y avait des journalistes. Par exemple, moi, j'ai collaboré avec des médias non concurrents, entre autres sur l'Agence du revenu du Canada, sur le scandale à l'Agence du revenu du Canada. J'ai collaboré avec Daniel Leblanc du Globe and Mail parce que il y avait des intérêts au Canada anglais. Puis lui avait des sources que moi j'avais pas, et moi j'avais des sources que lui avait pas. Puis on s'est échangé d'informations. Puis on publiait ou on diffusait en même temps. Alors. Évidemment, il y a Snowden. Et ce qui est un peu aussi nouveau aujourd'hui, ce sont des fondations extrêmement riches aux États-Unis, comme ProPublica, qui vont partager avec de très grands médias, le CNN, New York Times, Washington Post et compagnie, du travail fait par les journalistes d'enquête qui sont payés par la fondation. Donc, des fondations qui sont multimillionnaires. Et ça, on le voit de plus en plus aussi. Oui, donc, la période est plutôt bonne pour le journalisme d'enquête. Moi, je pense qu'on est c'est l'âge d'or du journalisme d'enquête, à un tel point que, par exemple, ici au Québec, il y a Radio-Canada, mais même Québécois a son bureau d'enquête. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, c'est intéressant à faire. Je vous disais, c'est exigeant. C'est risqué, ça peut coûter cher, il peut y avoir des poursuites. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens en veulent. Ça devient rentable. Ça devient rentable et ça intéresse les grands médias. Alain Gravel, journaliste animateur de l'émission Les faits d'abord, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.